بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. 8e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. طيب اليوم سنأخذ مراجعة البيت 17 والثامن عشر. 17e vers. Qui se rapporte au 10 al-mubashshiruna bil jannah. Au 10 sahabi à qui le paradis était promis. فقال المنظم رحمه الله تعالى وإنهم والرحت لا ريب فيهم على نجود الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح ممدح. طيب le premier vers وإنهم إنهم الهم ضمير يربيان وخرفاء أربعة أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم qui ont déjà été cités dans les vers précédents. ورحت لا ريب فيهم رحت رحت c'est un groupe de personnes composé de 3 à 10 personnes. Un groupe composé de 3 à 10 personnes. Wal maqsoud bi hadha rahd wa rahtu hum al-mubashshiruna bil jannah. Ceux qui sont à qui le paradis était promis. La raiba fihim la nafir jins raib man ashak fihim, sur lesquels il n'y a aucun doute. D'accord ? Il n'y a aucun doute sur leur entrée au paradis. Pourquoi ? Car il y a un hadith qui est venu, qui l'a clairement stipulé, que ces sahaba, radiallahu anhum, vont entrer au paradis. Ala nujub il firdosi fil khuldi tasrahu. Ala nujub il firdosi fil khuldi tasrahu. Nujub, c'est le jam de najib. Bimana al karam, tayyib. Al mumtaz, une chose qui est noble, excellente, qui est bonne. Al firdaus huwa min asma al janna, c'est parmi les noms du paradis. Comme a dit le hadith, idha saltumullah al janna fas'aluhum al firdaus al a'la. Si vous demandez à Allah le paradis, alors demandez-lui le firdaus al-a'la, le plus haut, niveau le plus haut. Fil khuld tasrahu, qui vont rentrer dans l'éternité. Firdaus, c'est quand on jannah, c'est pour l'éternité. Ensuite, خالدين فيها. اي بمعنى خالدين فيها. نعم. Éternellement. Ensuite, il cita un autre vers en exposant leur nom. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهل والزبير الممدح. Donc سعيد سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعد c'est سعد Ibn Abi Waqqas. Wa Ibn Auf, c'est Abdul Rahman Ibn Auf. Wa Talhatu wa Amir. Amir, c'est Abu Ubaida. Ibn Amir, c'est Abu Ubaida. De Jarrah. Celui que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit Amin al-Hadil Umma. Amin al-Hadil Umma. Les kulli ummatin amin. فأبو عبيدة أمين هذه الأمة. نعم. On a dit avant c'est Tolha ibn Ubaidillah, après c'est Amir Abu Ubaida. Ensuite il dit Fihrin ou Fihrin. Fihrin c'est Ibn Malik. En fait il n'est pas parmi les Sahaba, mais c'est pour dire qu'ils sont tous liés à lui. C'est l'un des grands-pères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que ces Sahaba sont tous des gens de Quraysh. Tous des gens de Quraysh. Wa Zubayr ou Ibn Awam, c'est le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est le fils de sa tante maternelle qui est Safiya. Az-Zubayr ibn Awam. Al-Mumaddahu. Mumaddah, c'est une personne qui a reçu beaucoup d'éloges. C'est le ism maf'oul de Maddaha yumaddihu. Wal-Madh, c'est l'éloge. Tamdahu fulanan, c'est-à-dire tu fais son éloge. Et pourquoi ces 10-là sont particularisés alors que plein d'autres sahaba ont été annoncés pour le Jannah? Plein de hadiths sont venus pour d'autres sahaba qui seraient parmi les gens de Jannah également. Ils ne sont pas les seuls, bien entendu. Même à la base, on croit que les sahaba jumlatan tafsilan sont au Jannah à la base. Mais ceux-là, ils sont venus dans un hadith tous ensemble. Dans ça, le hadith rapporté par Sa'd ibn Zayd, par plusieurs Ashab al-Sunan, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Hibban, وغيرهم. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr fil jannati, wa Omar fil jannati, wa Othman fil jannati, wa Ali fil jannati, wa Talhatu ibn Ubaidillahi fil jannati, wa Zubair ibn Awam fil jannati, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannati, wa Abdur Rahman ibn Awf fil jannati, wa Abu Ubaida Amir ibn Jarrah fil jannati. والسعيد بن زيد في الجنة يعني سعيد بن عمر بن نفيل في الجنة tous sont venus dans un seul hadith avec plusieurs turuq, plusieurs voies. Ensuite le cheikh cite deux autres vers plus clairs que ces deux-là, comprenant justement le nom de ces 10 du premier au paradis. وقال للمصطفى خير الصحب نص أنهم نص أنهم في جنة الخلد نصا زاد لهم شرفا وهم طلحة وابن عوف وزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. Que pour المصطفى qui est l'élevé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs compagnons qui textuellement ont été stipulés étant dans le paradis éternel, un texte qui ne leur ajoute que de la noblesse, qui sont طلحة Ibn Awf, c'est-à-dire Abdurrahman, wa Zubayr. Et Zubayr avec Abi Ubaida qui est Amir, et Sa'dain. Sa'dain c'est Saïd et Sa'd. Ensemble, Saïd et Sa'd, Sa'dain, wa le Khurafa. Khurafa c'est les quatre Khurafa: Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Donc, man hafiza hadi al-abiyat, hafiza Asma ibn Bashir ibn Jannah. Celui qui aura appris ces deux vers a appris le nom des 10 sahaba promis au Jannah, et comme nous avons dit, bien d'autres sahaba, à la base les sahaba sont au Jannah. Tayyib, zakarna bab faida, par rapport à ceux qui vont au Jannah, 4 aqwal, tu t'en rappelles? Il y a 4 madhhab sur le fait de dire que atel au Jannah. Est-ce que tu t'en rappelles des 4 qu'on a appris? Il y en a qui ont dit que c'est juste pour l'NBA qu'on dit que c'est au Jannah. Non, ça c'est un call. Deuxième call. Que celui qui a un dalil, qui stipule qu'un tel est au Jannah. Non. Non. La Ummah. Ceux pour qui la Ummah ont fait leur éloge. Le hadith, quand le Nabi sallam, quand elle est, qu'une janaza est passée, que les Sahaba, que le Nabi sallam a dit que pensez-vous de l'intel, ils ont fait son éloge, il a dit wajabat. Et notre janaza est passée, les Sahaba ils l'ont critiqué, ils ont dit wajabat. Ils ont dit maza wajabat. Il dit wajabat el jannah. Il dit que votre shahada antum al khayl fi hadi al ard, antum shuhada Allah fi hadi al ard. Donc ceux dont vous faites l'éloge, le paradis leur est obligatoire. Et ceux dont vous critiquez, le feu leur est obligatoire. Et Omar ibn Khattab, il était à ce qawl-là, et également Ibn Taymiyyah. Et le quatrième qawl, qui est le plus loin des aqwal, plus loin de la vérité, c'est lequel ? On ne le dit pour personne. On ne le dit pour personne. Pour personne. Et le qawl al-sawab, c'est celui, c'est le deuxième que tu as cité, celui qui a un texte qui stipule qu'un tel au Jannah, on dit le au Jannah. Et pareil pour le feu, on ne dit pas un tel au feu si on n'a pas un texte, à part les koufars bien sûr, on parle des muslimines. Hein, on ne dit pas qu'un tel est au feu, car on ne sait pas. Ou à tartel machia, il se peut qu'Allah lui pardonne, et ainsi de suite. Afou ma'ala, fa'ilawna wa alhamdulillah rabbil alamin.